C'est un problème, non ? Thank you. parler tout à l'heure. Non, il a bougé. Ça. Thank you. Ouais, mais moi quand j'étais petit. Pour un oui ou pour un non? Non, en fait, je vais jamais faire ça. Oui, oui. Vous êtes gré, papa.